mettre aux sonorités gospel qui fait du bien, très aérien, de Billy Joel, The River of Dreams d'ailleurs, qui avait été nommé en 94 au Grammy Awards de la meilleure chanson de l'année. Et devinez qui avait gagné? Ben non, c'était Whitney Houston avec I Will Always Love You. C'est comme ça, c'est pas chance, mais c'était sympa d'avoir ça sur France Bleu Poitou. En attendant les fêlés, 16h-17h sur France Bleu Poitou. Et puis c'est aussi sympa, je trouve, quand on n'a qu'à faire sur son téléphone le 05 49 60 20 20 pour aller s'éclater à un match de basket, mais pas n'importe lequel, avec une équipe de chez nous, le PB 86. Je vais vous entendre crier « Défense !» Et ou alors dire « Allez, c'est parti, Lucas !» Lucas, souvent, il fait des bons lancers francs. Vous allez voir ça, Christelle. Bonjour, Christelle. Bonjour, bonjour. Christelle, une fois. Christelle, deux fois. Christelle, trois fois. Non, Christelle, elle est partie à Itaï. Est-ce qu'elle est là? Bah Christelle, alors on s'est eu, pour tout vous dire, pendant qu'on écoutait Billy Joel, j'ai eu Christelle vite fait. Elle était toute contente parce qu'en fait, son conjoint, il est normand. Et figurez-vous que le PB 86 affronte Évreux, donc des Normands, donc grosse rivalité. Bon, on a perdu apparemment Christelle entre-temps, c'est pas grave. On vous embrasse très fort et encore bravo. Vous allez voir le PB 86, donc ce vendredi 20 octobre, contre Évreux à 19h à la salle de Saint-Éloi de Poitiers. Puis vous, retentez votre chance, hein, au 05 49 60 20 20. D'ici là, on vous offrira encore plein de cadeaux, dont évidemment des places pour aller voir le PB 86. En attendant les fêlés, 16h-17h, sur France Bleu Poitou. En attendant les fêlés, 16h-17h, sur France Bleu Poitou. Et là, on chante l'amour avec Christophe Maé et Amadou et Mariam sur France Bleu Poitou. Ça fait rêver les gens en amour, ça donne la vie. Amadou et Mariam pour ce titre L'amour avec Christophe Maé sur France Bleu Poitou. Et tout de suite, on prend des nouvelles, des actus du monde digital, car en ce moment, ce sont les premières journées nationales de la réparation. Et Fanny Malek nous donne de bonnes astuces, dites-nous, pour faire prolonger la vie de notre ordinateur, parce que là, j'ai appris que la durée de vie moyenne d'un ordi portable serait de 3 à 5 ans apparemment, Fanny. 3 à 5 ans. Ces chiffres m'ont vraiment agacée. Mais pourquoi est-ce qu'on produit encore des objets qui tiennent si peu? Est-ce que les gens jouent au frisbee avec? Ou bien l'obsolescence programmée aurait-elle encore frappé? Bon, je pense qu'on a tous la réponse. À la bonne heure, la durée d'un ordinateur fixe, elle, serait de 8 ans. C'est déjà un peu plus long que l'ordinateur portable. Ça veut aussi dire qu'avant d'en acheter un neuf, on a intérêt à le faire réparer. Et surtout, à le bichonner. Bonjour Fanny, je suis ton ordinateur préféré. C'est vrai, j'aime bien quand tu me bichonnes. Mais moi aussi, j'aime bien te bichonner, Paul. Oui, j'ai surnommé mon ordinateur Paul, ça le rend plus sympathique. Voici quelques astuces pour faire vivre votre ordi plus longtemps, quel que soit son modèle. Déjà, l'entretien, c'est la clé. Il faut le dépoussiérer régulièrement, sinon la saleté peut l'endommager. Fanny, n'oublie pas de parler des produits ménagers. J'ai horreur de ça. Ah oui, merci pour le rappel. Oui, attention, si vous nettoyez l'écran et le clavier, évitez les produits ménagers agressifs. Un chiffon doux, ça suffit et c'est moins abrasif. Autre petit conseil, votre ordinateur, il aime pas trop la chaleur. Gardez-le dans un endroit frais. Si c'est un ordi portable, évitez de l'utiliser sur le lit ou sur le canapé, même si je sais qu'on y est bien. Ne l'utilisez pas non plus à l'intérieur de votre voiture en plein cagnard, ni dans votre four, évidemment, ça n'est pas adapté. Le numérique, ça s'explique. Vous n'avez pas non plus besoin de le laisser charger en permanence. C'est comme si vous, vous preniez café sur café sur café. Ne branchez votre ordi portable que s'il en a vraiment besoin. Et éteignez-le quand vous ne l'utilisez pas. Pensez aussi à fermer les logiciels que vous n'utilisez plus, justement. Ça lui demandera moins d'efforts. Je confirme. Ah, on est d'accord, Paul. Enfin, essayez aussi de faire ces mises à jour régulièrement. Je sais, il y en a toutes les deux secondes, mais ça permet d'augmenter la sécurité de votre ordinateur. Avec tout ça, si votre ordi ne tient pas 10 ans, on ira rouspéter auprès des fabricants. D'ailleurs, demain, pour prolonger la vie de nos smartphones, c'est encore un autre épisode. Sur France Bleu Poitou, ça s'appelle Le Numérique, ça s'explique. Balade Poitevine. 4h30, bienvenue sur France Bleu Poitou. À présent, on se balade et surtout, on va à Recycle Poitiers. Cette semaine, en fait, on va là-bas parce que tout simplement, c'est une super belle association de réinsertion à travers le vélo. Elle est implantée dans le quartier Beaulieu de Poitiers. Et bien justement, Nicolas Paraty a retrouvé le formateur dans l'atelier de leurs locaux, donc de Beaulieu. Je m'appelle Stéphane Cormier, je travaille à Recycle Poitiers. Je suis l'encadrant technique, pédagogique et social. Donc, c'est-à-dire que je suis en charge des questions de mécanique et de transmission de savoir. J'ai été prof de maths contractuel pendant 6 ans. Ça reste un métier que j'adore, mais les emplois que j'avais en tant que contractuel n'étaient pas épanouissants. Donc, je m'en suis détourné. En parallèle, j'ai une passion pour le vélo, en particulier pour la mécanique et sur les questions d'entraide sur la mécanique. Donc ici, faire de la transmission de savoir sur la mécanique vélo, ça correspond très bien à ce que j'aime faire. Je viens accompagner les gens dans leur acquisition de compétences et les former pour vraiment avoir ces savoir-faire. Alors, on cherche à rester à taille humaine, avoir une dizaine de salariés en parcours, pas plus, et pouvoir garder ce sentiment d'équipe où tout le monde se connaît. Par rapport à ce que c'était il y a 10 ans, où il y avait alors une première association, Vélocité 86, qui existait, d'autres associations, l'atelier du Petit Plateau, dont j'ai fait partie, qui s'est créé également. Mais il y en a plein d'autres qui ont suivi. Je vais essayer d'en citer quelques-unes sans trop en oublier, que ce soit à Saint-Éloi, à la Maison de la Gibauderie, aux Couronneries, que ce soit également Vélorution qui organise des balades chaque mois, le Biclou qui propose de l'autoréparation et de nombreux magasins aussi qui offrent quelque chose, une approche un peu différente. Je pense à la Cyclerie Café qui allie aussi cette convivialité avec le vélo. Il y a en effet énormément de choses nouvelles qui se sont créées. Vélotaf aussi qui s'adresse spécifiquement aux gens qui travaillent. C'est vraiment foisonnant là-dessus. Donc les vélos qu'on a reconditionnés, on les propose à la vente dans une fourchette de prix qui va de 70 euros à 140 euros. Ça dépend des équipements qu'on veut dessus. Certains sont équipés de garde-boue, porte-bagages, triple plateau et des commandes de freins et de dérailleurs qui sont plus élaborées. D'autres sont très basiques, n'ont qu'un seul plateau, pas forcément de garde-boue. Et dans ce cas-là, on est pris moindre. Quand il y a en effet des soucis, le traditionnel pneu crevé où on va remplacer la chambre à air ou une inspection, on peut parler de contrôle technique. Nous, c'est cet esprit-là qu'on fait. On fait vraiment un diagnostic général du vélo et on regarde si tout va bien sur le vélo. Ensuite, sur la partie entretien, c'est quelque chose qu'on aimerait développer à terme, de faire juste des petites choses simples, comme beaucoup de gens le font eux-mêmes sur leur voiture, et qui permet de faire en sorte que le véhicule dure plus dans la... arrive à mieux durer dans le temps. Vous entendez donc le formateur au sein de l'asso de réinsertion par la mécanique du vélo. Ça s'appelle Recycle, c'est dans le quartier Beaulieu de Poitiers. Et on y est toute la semaine sur France Bleu Poitou. On fait découvrir justement les coulisses de cet asso. Balade Poitville, à retrouver sur francebleu.fr. Les algorithmes nous enferment, le terrorisme veut nous diviser, nous devons nous unir au-delà des identités. Ça, ce sont les mots des réalisateurs Toledano et Nakash. Ils ont un film en ce moment à l'affiche. On l'a profité pour leur poser un petit peu des questions intimes qu'on découvre après. Une énorme Madeleine de Proust pour ma part, j'espère qu'il en est de même pour vous. David Guetta et Chris Willis, c'était en 2002. Ça fait du bien, Love, Don't Let Me Go sur France Bleu Poitou. You got me dancing and crying, rolling and flying, but love don't let me go. You got me drowning in a river, cold, burning fever, but love don't let me go. Don't let me go. You got me. Alors, ça ne s'entend pas comme ça, mais ça peut être une musique pour les ruptures très sympa. Je répète justement le refrain « Mon amour, ne me laisse pas partir » en anglais, « Love, don't let me go ». Ça sonne un peu mieux, je pense. Avec Chris Willis, c'était David Guetta sur France Bleu Poitou. Allez, une année difficile. Peut-être que vous allez déjà au cinéma aller le voir là aujourd'hui, il est curieux. C'est le film de Toledano et Nakache qui vient enfin de sortir au ciné aujourd'hui. Déborah Grunewald en a donc profité pour les rencontrer, leur poser des questions sur leur enfance, l'école, ou encore comme aujourd'hui sur les nouvelles technologies et les fameux algorithmes. Il y a quelque chose qui fait peur avec l'algorithme, c'est d'être abreuvé de soi-même. Abreuvé des avis qui nous disent, puisque vous avez aimé ça, vous allez aimer ça, et donc on n'est plus confronté à l'opposition. Et donc ça a créé d'ailleurs des grosses surprises. Il y a eu des études, notamment au moment du Brexit ou de l'élection de Trump, où les gens ne s'attendaient pas du tout, parce qu'ils étaient abreuvés de gens qui pensaient comme eux. Je pense que le dialogue, il faut le maintenir, et tout le monde a le droit de s'exprimer. Le dialogue est rompu aujourd'hui, et déjà depuis longtemps d'ailleurs sur un sujet en particulier, Israël. J'imagine que vous avez des proches là-bas, des potes. Comment vous vous sentez? Si vous voulez pas en parler, on n'en parle pas. Non, mais on peut en parler, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou. On est, je crois, pas au-delà des identités, je veux dire, on ne peut pas être insensible quand on voit de la barbarie, quand on voit de la sauvagerie. Et c'est en tant qu'être humain qu'on est comme ça. Et je pense que tous les êtres humains qui ont vu ces images, qui rappellent d'ailleurs des images de pogrom, quoi, des images d'élimination, de sauvagerie auprès de bébés, c'est tellement intolérable que tout le monde devrait se lever et dire ça, c'est pas possible, ça, on le refuse. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est pas un problème d'un conflit local, c'est un problème de conception de l'existence. Le but quand même du terrorisme, c'est d'essayer de nous diviser, et que l'art, la culture, la littérature, le cinéma, le théâtre, c'est de réunir, c'est de se questionner, c'est d'avoir de l'introspection. Et que je crois que quand on dit justement de réagir à tout ça, il y a toujours les identités qui arrivent, mais moi je veux enlever ce côté d'identité. Je dis, c'est vraiment une bagarre entre deux visions de l'existence, et que c'est à chacun de regarder en soi et à sa propre conscience et de comprendre, parce que je vois beaucoup de débats nauséabonds, où est-ce qu'on se situe. Et si on se situe pas du bon côté, c'est dangereux pour l'humanité en général, et ça me fait peur. Voilà, c'est vrai que ça me fait peur. Les paroles donc de Olivier Toledano et Eric Toledano et Olivier Nakache, donc les invités de Déborah Grunewald dans le rétro. C'est à écouter en direct donc samedi entre 14 et 15 heures. Et je rappelle que ce sont les réalisateurs du film Une année difficile. D'ailleurs, si vous voulez y aller là ce soir et que vous êtes à Buxerolles au CGR, il y a une séance à 19h45 et au CGR de Niort à 19h20. On joue ensemble à 11h cette semaine. Voici pour vous un pass d'une journée au Futuroscope pour 4 personnes. Étincelle, les chasseurs de tornades, l'extraordinaire voyage, le renversant objectif Mars, l'intense danse avec les robots et toutes les autres attractions sont donc à portée de main pour une journée en famille ou avec les copains. 4 questions, chaque jour, un pass journée à gagner à 11h sur France Bleu Poitou. Et à vous les lapins crétins. Bonjour, c'est Patrick Citeau. Dans Nom de Nom ce week-end, je vous emmène à Angles-sur-Langlin. Les origines du nom de ce lieu emblématique de la Vienne affichent plusieurs versions. Je vous fais également découvrir une maison transformée en musée à Thouars, celle d'un grand collectionneur, un certain Henri Barré. Rendez-vous samedi et dimanche à 8h10 sur France Bleu Poitou. France Bleu Poitou. Info, trafic et mobilité dans les Deux-Sèvres et la Vienne. L'infotrafic 100% local avec les fermetures Alain Mariette, fenêtres, portes, portails, volets et clôtures, rue de la Croix-Berton à Neuville de Poitou. France Bleu. France Bleu Poitou. Votre journée a été aussi joyeuse que la tête du ciel poitevin aujourd'hui. Pas de panique, les fêlés arrivent dans un peu moins de 10 minutes. Ils sont là pour vous faire rire et vous faire coucher moins bête. Écoutez-nous et surtout, vous pouvez participer et vous devenir chez vous, peu importe, là dans la Vienne et de Sèvres, au téléphone un fêlé. Vous êtes notre quatrième candidat, 05 49 60 20 20. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà auprès d'Anne-Cécile. Et là, ça a été un titre post-Covid qui nous a fait du bien, mais alors du bien. Il fait toujours du bien d'ailleurs. Clara Luciani, respire encore sur France Bleu. Elle veut pas s'asseoir, elle veut s'oublier.

the Gang sur France Bleu Poitou. 16h49, moi je m'en vais dans 10 secondes. Pourquoi? Bah je dois y aller, c'est tout. Ouais, c'est l'entraison. Je m'entends Plouzinec. Plouzinec. Plouzinec, c'est pas mal ça. Eh ben merci Clémentine. Ouais, c'est bon, je m'en vais. Voilà. Bonne émission, ça vaut mieux pour moi, je pense. D'accord. Oui, eh ben si vous voulez, mais vous revenez demain 16h. Demain 16h, promis. Et surtout, je vous remplace demain. Pas, c'est, non, c'est après-demain. Ah, c'est après-demain. Bon, ouais, il faut vraiment que j'y aille. À demain. Mesdames et messieurs, il est 5h moins 10. Le grand n'importe quoi peut commencer. Jusqu'à 18h, les fêlés du Poitou. Antoine Plouzinec. Oui madame, oui mademoiselle, monsieur, oui aussi, bonjour et bienvenue dans la battle des fêlés du Poitou. C'est jusqu'à 18h, c'est toute la semaine sur France Bleu Poitou. Toute la semaine, de 16h50 à 18h. C'est pratique quand même. Hein. Les fêlés du Poitou, c'est qui? Bah, c'est des gens qui, comme vous, habitent en Vienne, en Deux-Sèvres. Alors, peut-être pas comme vous, qui sont un petit peu fêlés quand même, mais ils vont vous le prouver dans les prochaines minutes. Bonjour les fêlés du Poitou. Bonjour. Salut. Alors, aujourd'hui, autour de cette table, vous n'avez probablement pas reconnu les voix comme ça. Donc, je vais vous faire le petit tour de table qui va bien, parce qu'on est comme ça, nous, on est des gens sympas. Aujourd'hui, il y a Pierre Sabourin, depuis... Alors, je ne sais pas, depuis chez lui ou depuis son école où il travaille? Non, depuis ma chambre. Waouh, vous avez une chambre. Combien de mètres carrés? Ouais, 12. Ah, dis donc, c'est précis, ça. Donc, bah, on est dans les Deux-Sèvres avec vous, parce que bah, là, vous avez... Oh, bah, non, remarquez, c'est mercredi, aujourd'hui, vous n'êtes pas, pas resté trop tard à l'école, aujourd'hui, logiquement. Non, midi et demi, midi 45, j'étais pas. Ben voilà. Ben quoi qu'il en soit, bienvenue monsieur le professeur des écoles et directeur. Aujourd'hui, vous allez jouer contre deux autres fêlés, notamment Thomas Daou, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Thomas qui est toujours chef cuisinier. Toujours. Qui fait de la bonne tambouille. Ah bah oui, bien sûr. Oui, ça va? La vie est belle? Très bien, elle est très belle. Parfaitement. Bon, en face de vous, Maxime Berton, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment il va Maxime Berton? Il va bien. À 100 à l'heure, mais il va bien. À 100 à l'heure, ah bah oui, parce qu'en ce moment, entre les projets pro qui commencent à ralentir, mais on est déjà en train de préparer les suivants, le déménagement, et les le travaux. Déménagement. Voilà. Le boulot, l'écriture du livre tout à l'heure. Ça non, je n'arrête pas, donc je navigue dans le département, mais je suis ravi d'être là. Bah, ravi d'être on là, est content de vous avoir. Ça vous fait votre petite bubule de respiration? Oui. Bah, c'est parfait, allez, profitez-en. On y va dans quelques instants après les infos de 17h sur France Bleu Poitou. Le principe de ce moment magique qui s'appelle la battle des fêlés, c'est de questionner les différents fêlés les uns après les autres. Mais là, pour le moment, c'est l'échauffement collectif et c'est une question qui s'appelle Tout a une fin. Voilà. Et donc là, ben, Pierre, Thomas et Maxime, je vous pose cette question. Demain, pourquoi l'agneau du Poitou-Charentes va être à l'honneur? Pourquoi l'agneau du Poitou-Charentes est à l'honneur demain? Allez, Pierre Sabourin, on va commencer par vous, tiens, pour voir. Parce qu'il y a des nouvelles élections, c'est devenir le nouveau préfet des Deux-Sèvres. Alors, sachez que le préfet n'est pas élu, mais nommé. Mais pourquoi ouais, pas? Bah, moi, il est élu cette année. Cette année, il change tout. Ok, bon, bah, c'est parfait. Donc, l'agneau est à l'honneur à la préfecture. Mais pourquoi pas? Exactement. Maxime Berton. J'ai envie de croire qu'il y a une petite fête ou quelque chose de bien sympathique qui se passe à Mouton Village, à Val. Et du coup, voilà, il y aurait un agneau mis à l'honneur demain. Mais pourquoi pas? Bah, c'est, donc, un agneau mis à l'honneur. Oui. Comment ça? Non mais j'imagine. On va à Mouton Village et bah du coup voilà, c'est la fin de la saison. On déstocke vite fait avant l'hiver. Non, je ne dis pas qu'on déstocke. Au contraire, ils mettent tous leurs espoirs sur cet agneau pour l'année prochaine. Ouais. Voilà. Pour Pâques. Non plus. Thomas Daou. Mais je vais finir la phrase de Maxime. On va le cuisiner. Ah. Mais alors pourquoi et où alors? Eh ben. Là, vous me prenez de court, Antoine. Ben ouais, c'est vrai que ça fait pas du tout une minute trente que j'ai posé la question. Parce qu'on va le cuisiner. Ben, il y a une fête, c'est la fête du... C'est quand? C'est ce week-end, là, non? C'est demain. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la fête de l'agneau. C'est la fête de l'agneau. Voilà, okay. Demain. Donc, il y en aura dans toutes les... Bon. Voilà, dans toutes les... Bergerie. Ouais. Alors en fait, non, l'agneau de Poitou-Charentes, il est à l'honneur d'un menu, de ce qu'on appelle un grand repas, et c'est le premier dans la Vienne. Le grand repas, qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée, c'est que tous les établissements qui y participent, des restaurants, mais ça peut aussi être des cantoches, en fait, tout le monde sert le même menu, mais chacun se l'approprie. Alors les produits locaux de saison sont bien sûr prioritaires. Ils seront servis dans 23 établissements, essentiellement dans le sud de la Vienne, mais pas uniquement. Et bon, donc, je vous le disais, c'est aussi des restaurants collectifs. Cantine, résidence, résidence senior. C'est Alban Galpin, le chef du Lucullus à Montmorillon, qui parraine ce premier grand repas dans la Vienne. Voilà, une idée chouette et sympa pour mettre la gastronomie de la région à l'honneur. C'est quoi votre produit de saison préféré à vous qui cuisinez quand même, Thomas Daou? Là, en ce moment, j'adore les potimarrons et les premières Saint-Jacques. C'est pénible à couper, mais qu'est-ce que c'est bon, ah le potimarron? Oui, bien sûr. Et les Saint-Jacques? Rôti, en velouté, il y a plein de choses. Ouais, Saint-Jacques rôti aussi? Ah oui, ah non, mais Saint-Jacques juste snacké, c'est très bon. Ouais, très bien. Et alors, qu'est-ce qui est pour vous, le produit de saison qui est bon dans votre assiette à vous, Maxime Berton? Et la châtaigne, pas quand on la reçoit, mais quand on la ramasse, tout va bien. La châtaigne sous toutes ses formes. Et puis, je suis ravi de savoir que ça se passe dans le sud de Vienne, comme ça, se dire que le petit agneau de mouton village est sauf. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Pierre Sabourin, le produit de saison par excellence? Un petit velouté de potimarron, là. Ouais, ouais, pareil. Exquis. Avec quelques petites tranches de lard et un peu de copeaux de fromage, ça, c'est... Exactement. Ouais, oh c'est bien. Hein. Allez, on va se retrouver... Dans un feu de cheminée, là. Mais oui, mais bien sûr. Oh oui, la peau de bête, tout ça. Mais on en parlera, petit peu plus tard, parce que là, pour l'instant, voici la bande originale d'un James Bond 007. C'est Tina Turner qui signait la bande originale de ce film-là. GoldenEye. Ouais. Non, ça donne pas de points. Non, ça donne aucun point. Voilà, c'est bien. Non, mais ils sont chauds, les fêlés du Poitou, qui sont avec vous sur France Bleu Poitou jusqu'à 18h. On the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness. But a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows. As a child, you never know how it feels to get so close and be denied. Et Tina Turner sur France Bleu Poitou, la suite de la battle des fêlés du Poitou, la bonne humeur en Vienne en Deux-Sèvres, c'est juste après les infos de 17h. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu. connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Poitou. Et merci de nous écouter en Vienne comme en Deux-Sèvres. C'est France Bleu Poitou et il est 17h. Toujours quelques averses, des rayons de soleil et puis un petit peu de vent peut-être aussi, des précipitations jusqu'à une quinzaine de millimètres en Vienne comme en Deux-Sèvres. Voilà le programme pour demain. Quant aux températures, elles sont plutôt stables, dit Météo France. William Giraud, les alertes à la bombe se multiplient 5 jours après l'attaque qui a coûté la vie à un enseignant, Dominique Bernard à Arras. Au moins 10 aéroports français ont été évacués aujourd'hui à la suite de menaces d'attentats provoquant d'importantes perturbations à Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Pau ou encore Beauvais. Le trafic aérien a dû être interrompu à plusieurs reprises. À Poitiers, ce sont 2 avions qui devaient atterrir à Nantes qui ont été détournés et qui se sont finalement posés sur le tarmac de Biarritz. 2 Airbus A319 de la compagnie espagnole Volotea. 2 vols en provenance de Corfou en Grèce et de Barcelone. Les 142 passagers du premier vol ont dû terminer leur trajet en bus en raison de vents violents et de fortes pluies. Le 2e avion a pu de son côté redécoller vers la Loire-Atlantique il y a 1 heure environ. Les infos sont à lire sur francebleu.fr. Des évacuations qui ont toutes la même origine. Une multiplication ces derniers jours de fausses menaces d'attentats. Un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui dans le contexte de l'attaque d'Arras est en forte augmentation, notamment dans les lycées, des actes de malveillance qui mobilisent forcément à chaque fois de nombreuses forces de police, Aurélien Tirard. Comme dans ce lycée parisien cet après-midi, alerte générale, les policiers reçoivent un appel. Une élève vient de se faire agresser à la machette par un individu. Les équipes d'intervention de la BRI se déplacent immédiatement, sauf qu'il s'agit d'un canular, un de plus. Mais à chaque fois, les policiers doivent réagir dans l'instant avec un protocole lourd. Au château de Versailles, évacué 3 fois depuis ce week-end, 60 de personnes interviennent à chaque fois. Des démineurs jusqu'à 5 chiens du raid ou de la gendarmerie spécialisés dans la recherche des explosifs. Et pendant ce temps, environ 10 000 personnes évacuent les lieux. 168 écoles sont concernées depuis la rentrée. Les médias aussi. Les équipes de France 3 à Reims ont évacué leurs bâtiments hier. Au musée du Louvre, les démineurs ont dû inspecter ce week-end 60 000 m² pendant tout un après-midi. Le laboratoire central de la police parisienne a été mobilisé. Et après, il s'agit de mettre la main sur les auteurs de fausses alertes. Un travail difficile commence alors pour les enquêteurs spécialisés dans le cyber. Pour rappel, faire une fausse alerte est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. La préfecture de la Vienne a pris 2 arrêtés pour interdire temporairement les rassemblements festifs non déclarés à caractère musical dans le département le week-end prochain. Une rave party susceptible de réunir plusieurs milliers de participants selon les autorités est redoutée par les services de l'État et qui prennent donc les devants. Interdiction d'organiser une free party et interdiction de circuler avec du matériel sonore de type mur de son à partir de vendredi et jusqu'à lundi inclus. Et puis en cyclisme féminin, après les arrivées, place au départ. La saison à peine terminée, la FDJ Suez a communiqué ce matin la liste des coureuses qui quittent l'équipe basée dans la Vienne. Les Françaises Clara Copponi, Victoria Gilman et Maëlle Grosstedt s'en vont. C'est également le cas de la Suédoise Emilia Fahlin et de la Norvégienne Stine Borgli. La météo 100% locale avec ODPP Laurentin à Poitiers. Alarme, vidéoprotection, particulier et professionnel depuis 1989. Membre du réseau Proxéo. Informations sur odpp.fr. La pluie est arrivée, le vent aussi. Oui, bah ça c'est clair que il y a eu quelques brushings qui ont pris. Hein, ça dépendait vers où on regardait, mais qui sur le côté, qui en face. Vers voilà, la caméra, bien sûr. C'est voilà, bah, tout à fait. Oui, parce que chacun le sait. On vit tous avec une caméra devant le nez. William Giraud, depuis qu'on est passé au matinal filmé, il est obsédé par ce truc devant lui. Qu'est-ce que c'est que ça? La météo avec la carte de Météo France qu'on va vous décrire, hein, qui est assez simple en fait, puisque les températures vont redescendre à des niveaux plutôt très doux pour demain matin, une nouvelle fois, avec du 13 à 15 degrés, avec quelques gouttes de pluie qui sont attendues dans le courant de la nuit. On devrait avoir jusqu'à 5 mm de précipitation dans les Deux-Sèvres, un petit peu moins dans la Vienne. En revanche, 15 mm de précipitation pour tout le monde, ça c'est pour la journée de demain. En matinée, des éclaircies, quelques averses qui se succèdent, des éclaircies plus larges, un peu comme aujourd'hui finalement, se développeront dans le courant de l'après-midi, mais lui, le vent par contre, il va souffler. Ce sera plutôt dans le courant de la nuit de demain à après-demain. France Bleu Poitou. Les Fêlés du Poitou, l'émission exclusivement réservée à tout le monde. Et notamment à ceux qui ne reconnaissent plus personne en masse et Ferguson. comme Monsieur Plouze. Voilà, bah c'est exactement ça. Mesdames et messieurs, bonjour à vous qui nous rejoignez dans la battle des fêlés du Poitou. Après notre petit échauffement qui commence toute la semaine à 16h50, eh bien, les choses sérieuses peuvent enfin commencer. La battle commence maintenant. C'est chacun pour sa peau, chacun pour sa pomme, chacun pour sa gloire aussi. Dans les fêlés aujourd'hui, Pierre Sabourin en direct de chez lui à Niort et qui est impatient d'en découdre avec les fêlés en studio. Oui, ah bah oui, oui. Surtout vu les oiseaux que j'ai en face de moi, faut que je sois opérationnel. Hein. Les oiseaux en question, bah c'est Maxime Berton, l'aventurier, qui est le dresseur de poteaux officiel du sud de Sèvres et du sud de la Vienne aussi. Je répondrai rien à ce mot de oiseau quand j'entends quelqu'un qui réagit par un ah. Quand on parle de gloire, t'as vraiment un melon. Enfin, ça dégonfle. Hein. Et puis Thomas Daou, le chef de Little Italy à Poitiers Sud, qui est avec nous également, qui s'est habillé en poussin aujourd'hui. Mais oui, vous avez vu. Mais oui, petit piou piou. Que vous qui voyez. Bah, oui, c'est bah ouais, mais en même temps c'est difficile de pas le voir. Il pique les yeux. Moi, c'est un gros piou piou. Ouais, bah, exactement. Le gros, voilà. Piou piou. Voilà, c'est ça. La blague du gros piou piou. Oui. Vanessa nous rejoint en studio ici à France Bleu Poitou. Bonjour Vanessa. Bonjour. Vanessa, vous êtes auditrice de France Bleu Poitou, des Fêlés. Vous arrivez de Fleuret et vous bossez en tant qu'aide-soignante. Et comment se passe votre semaine? Eh ben, se passe parfaitement bien. Je suis en repos aujourd'hui, donc c'est c'est parfait. Et vous en profitez pour venir faire un peu de radio avec nous. Et voilà. Voilà, une excellente initiative. Bon, vous connaissez déjà un petit peu les fêlés. Si vous ne les avez pas rencontrés en vrai, vous les avez déjà entendus. On les a bien entendus. Voilà. Et vous savez que vous, quand je vais vous faire jouer tout à l'heure, ce sera forcément un joker auditeur. Vous allez avoir un petit bonus sympa. 2 points par bonne réponse. Boum. Les fêlés, en revanche, ça va être plus compliqué pour gratter des points en plus dans le courant de l'émission qui arrive. Ça va être beaucoup plus compliqué parce que pour avoir des points en plus, il va falloir répondre aux exigences des communes jokers qui vont vous donner des défis. Les communes du jour, nous partirons près de Niort à Bessine en Deux-Sèvres. Nous serons au nord des Deux-Sèvres à Waron, commune de Plaine et Vallée, ou bien encore à Scorbé-Clairvaux, on est en Vienne, dans le Châtel-Rodet. Bessine, Waron et Scorbé-Clairvaux. Eh ben, on va commencer par une petite question bonus, parce que ce serait bien que le game soit plié d'entrée de jeu. Qui aimerait bien gagner 47 points dès le début de l'émission? Connor. Oui. Ah oui. Ouais. Et alors, on va falloir répondre à une question. La voici. Pour 47 points bonus, qui me donne le prénom de la personne qui est maire de Plaine et Vallée? Pierre Sabourin. Jean-François. Très bien. Maxime. Pierre. Pierre. Très... J'ai bien répondu. Thomas. C'est Sylvain. Ouais, d'accord. Et Vanessa? Patrick. Eh bien, bonsoir à vous, Christiane Babin, maire de Plaine et Vallée, commune qui est une fusion de plusieurs communes dans le nord du département des Deux-Sèvres depuis le 1er janvier 2019. On vous salue, vous, vos administrés, votre conseil municipal. Pas de 47 points bonus aujourd'hui. Bon, ça veut dire que alors, demain, à cette heure-ci, on essaiera d'offrir 48 points. Les fêlés du Poitou, la tradition du bon goût. Avec la bonne humeur, avec les questions, avec le Poitou et avec la musique de France Bleu, voici Julien Clerc et sa préférence. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. faut le croire. Moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi. Les incontournables du répertoire de Julien Clerc, il y a ma préférence sur France Bleu Poitou dans la battle des fêlés du Poitou. Alors le concept est assez simple, on fait un peu n'importe quoi pendant un peu plus d'une heure. Ça commence à 7h50 tous les jours, ça va jusqu'à 18h tous les jours de la semaine aussi. Et il y a des fêlés du Poitou qui vous rejoignent comme ça à la sortie du boulot, peut-être au retour à la maison aussi, et qui vous accompagnent dans l'autoradio. Alors aujourd'hui, notre auditrice en studio avec nous, et quel plaisir de vous avoir, Vanessa qui vient de Fleuret, son stade, sa mairie, sa nationale 147. Parfait. Et sa Vanessa qui vient jouer dans les fêlés. Voilà. Il y aura aussi dans le courant de cette émission monsieur Sabourin, Pierre de son prénom. Il y aura aussi Thomas Daou. Et c'est avec Maxime Berton, l'aventurier from the Poitou, qu'on va démarrer cette émission. On débute enfin, je peux enfin choisir une commune. Ouais, là c'est ça. Alors là, ça fait des mois que je ne peux pas le faire. Je suis toujours dernier. Le choix total. C'est-à-dire que là maintenant, je vais vous poser 5 questions. Ça va. Vous avez 5 fois la possibilité de donner une bonne réponse. Potentiellement 5 points, mais peut-être qu'il y aura plus de points grâce au petit gage, au bonus de la commune Joker. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de jouer avec la commune de Bessine, près de Niort, de Waron, sur la commune de Plaine-et-Vallée, dans le nord de Sèvres, ou bien encore de Scorbé-Clairvaux. C'est pas très loin de Châtellerault, c'est dans la Vienne. Je vais être chauvin, je vais rester dans la Vienne, on va aller à Scorbé-Clairvaux. Très bien, où les Locavores du Haut-Poitou organisent leur prochaine distribution. Ça se passe samedi 21 octobre, donc samedi qui vient, de 9h30 à 11h30 à la salle des associations. Alors Locavore, ça veut dire qu'on fait du circuit court, bien sûr, on s'entraide. Et si vous êtes intéressé, vous n'êtes pas encore dans le circuit, mais que vous êtes intéressé, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous pouvez y aller rencontrer les Locavores de Scorbé-Clairvaux. Alors ça, c'est pour la petite info Scorbé qu'on aime bien. Et maintenant, mais le joker de Maxime Berton. Faites preuve de toujours plus d'arrogance pour doubler vos points. C'est trop facile pour lui. C'est bien simple comme gage, puisque la semaine dernière j'étais déjà Dieu. Pourquoi ne pas être encore mieux que ça? C'est vrai. Semaine dernière il fallait parler comme Dieu, aujourd'hui vous êtes arrogant. Alors arrogant c'est pas Dieu quand même. Hein. Dieu il y a un côté supérieur. L'arrogance c'est plus simple. Plus tout venant, plus middle gamme. Pas si évident que ça en fait. Ah oui, c'est compliqué l'arrogance. Si hein. Eh ben, on va bien voir comment est-ce que... Mais je vais m'en sortir avec aisance. Ouais, on va voir comment vous vous en sortez. Maxime Berton, voici vos questions. On commence par la question éphéméride. La voici, le 18 octobre 1996. C'est une date importante pour la téléphonie en France. Que se passe-t-il désormais depuis le 18 octobre 1996 Déjà, ils ont été ravis de pouvoir m'équiper d'un téléphone. Donc, ça, c'est le premier élément de réponse. Et 18 octobre 96, est-ce que ce serait pas la création de la 2G ? Non, la 2G, ou le réseau Edge ou quelque chose dans le genre ? Non plus. 96, non. Ouais. La fibre. 96 non. Mon non. Dieu, Thomas Daou. Ça fait des tentatives, mais. Ah non. C'est dur, ça. Le. Le record du snake a été battu. Par moi-même, le snake. Je tiens à y préciser. On avait déjà les téléphones qui permettaient de jouer au jeu du serpent à l'époque. Je ne suis pas tout à fait sûr. C'était un Poilto 96. En fait, on fait des numéros de téléphone à 10 chiffres à partir de ce jour-là. Précisément parce qu'on prévoyait l'arrivée de la vague de téléphonie mobile qui allait multiplier par 2 ou par 3 le nombre de numéros de téléphone en France. C'est pour ça qu'on a rajouté deux chiffres. Voilà, le 05 de chez nous, tout à fait. Le 06 ou le 07 même depuis de votre mobile. Pas de point là-dessus, dommage. Le père Castor, alors là, il va falloir que vous improvisiez une histoire. Et vous allez avoir 15 secondes pour nous divertir. 15 secondes pour raconter une histoire en plaçant les trois mots choisis par les fêlés. Lesquels sont-ils ? Thomas Daou. Champignon. Pierre Sabourin. Tracteur. Et à France Bleu Poitou, nous avons choisi et les yeux bandés. D'accord ? Donc champignon, tracteur et les yeux bandés, débrouillez-vous avec ça. Hein. J'étais dans la forêt à côté de chez moi et là évidemment j'étais sur le tracteur puisqu'il faut labourer un peu les champs. C'est la période des champignons, j'en ai évité quelques-uns, mais les yeux bandés, j'en ai quand même écrasé plus que ce que j'aurais pu manger. Ouais. Mais bon, tout ça c'est un père castor classique puisque bon, il faut savoir que j'ai été formateur du père castor. Ah voilà. C'est moi qui lui ai tout appris à être dans les temps surtout. C'est ça, et vous avez failli manquer d'arrogance. Non, vous vous êtes rattrapé à la fin. Je double les points, ça fait deux. Géographie pour la matière scolaire qui arrive maintenant avant de passer à la question Poitou et au jeu de l'intro que vous adorez en rentrant à la maison. Je sais que vous jouez à ce jeu quand vous êtes dans la voiture. Géographie donc pour la matière scolaire. Combien compte-t-on de départements dans la région Nouvelle-Aquitaine ? C'est parti. Est-ce que j'aurais pu avoir une question qui ne tient pas compte juste de la France, mais est encore plus grand que la Terre, une autre planète par exemple, pas quelque chose à m'apporter. La Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu petit pour moi, donc je n'en ai pas encore l'idée. Le nombre de départements, c'était ça ? Oui. Arrogant, 17, mais pas très culturé. 17. 17, et non, pas du tout. Bien, pas du tout. Oh, ah, pas non, du tout. Non. Je tiens à être extrêmement mauvais, d'accord ? Si je suis mauvais, je suis à fond. Je suis vraiment avec excellence, s'il te plaît, Pierre. N'oublie pas ça. Merci. C'est 12. 12, 5 départements aquitains, plus 3 départements limousins, plus comme les meilleurs. 4 chez nous. 4. Oui, comme les mois, effectivement. Oui. Ah, c'est une bonne méthode, Pierre, vous qui êtes enseignant, c'est ce que vous dites à vos élèves. Exactement, et on l'a fait mardi, c'est pour ça que je le sais, puisque je l'ai enseigné mardi à mes élèves. Eh ben voilà, comme quoi la question serait tombée sur vous, j'aurais été bien, tiens. Exactement, j'aurais su. Pas de point pour Maxime Berton. Alors, dans un instant, une intro de chanson à deviner. Mais Maxime Berton, pour le moment, ce ne sont que des lieux-dits aujourd'hui, des lieux-dits du Poitou. Est-ce qu'on les trouve en Deux-Sèvres, en Vienne ou dans les deux départements? Un lieu-dit, les montagnes. Les montagnes, c'est un lieu-dit qui devrait se trouver de toute façon dans les deux, puisque même si du côté de Sèvres c'est un peu plus plat, mais je pense qu'ils ont l'arrogance aussi d'avoir la prétention d'avoir des montagnes qui ne sont pas des collines. Décidément, on est parti sur une bonne dynamique de loser parce que c'est juste dans la Vienne. C'est juste dans la Vienne. Oui, c'est ça. Mais tous les départements mériteraient d'avoir leurs montagnes. Voilà, c'est exactement. Et la mer. Hein. Exactement. Ouais. Voici une intro, le principe pour avoir le point. Ou deux points, on verra bien selon l'arrogance. Et quitte à perdre, je vous rappelle que je vais faire ça avec talent. Donc ouais. Je vais rater cette intro avec brio. Bah alors j'écoute ça avec plaisir. Vous allez peut-être reconnaître cette chanson. Vous me donnez son titre ou le nom de son interprète. J'ai pas envie de dire que c'est Chiran. Ouais, mais il sait qu'il a que deux points pour l'instant. Donc bon. Donc bon, je vais faire l'apologie de cette musique-là, qui, à mon sens, est plutôt convenue et facile à créer. Oh, nia nia nia. Ed Sheeran et Shivers en 2021, ce qui fait Maxime, j'allais dire Maxime Sandré, c'est le fait que vous ayez fait 4 points, hein. Je m'en sais. Oui, voilà, je... c'est ça, Maxime qui vient aussi dans l'émission et qui se débrouille toujours comme un chef pour avoir des scores pourris. 4 points sur 5. C'est tout à fait au niveau de l'arrogance que je n'ai pas réussi à mettre en place. Vanessa, un petit débrief quand même pour Maxime Berton. Bah, c'était pas si mal que ça. L'arrogance était bien là, donc. Ouais. Comme quoi, parfois, ça rapporte. Il n'y a que dans les fêlés que l'arrogance rapporte, je pense. Pierre Sabourin, débrief. Bah, il n'y aura pas de mal à faire mieux, donc c'est cool. Thomas Daou. Bah, c'est dommage, il est sympa et tout, mais il est nul, quoi. Mais c'est vrai, c'est quelqu'un sympa et d'être aussi nul que qu'il est sympa en fait. Non mais c'est pas bien, c'est mal, si vous dites. Mais c'est drôle et ça va continuer comme ça jusqu'à 18h sur France Bleu Poitou. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Les fêlés du Poitou, c'est meilleur quand c'est revenu dans un peu de beurre déchiré. Et voici Juliette Armanet qui n'a rien à voir avec un petit peu de beurre déchiré. Hein. Le dernier jour de disco, je veux l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin. Ah oui, c'est la fin de la chanson de Juliette Armanet sur France Bleu Poitou. Vous écoutez les fêlés. Les fêlés du Poitou. Avec Antoine Plouzenec. Et les fêlés aujourd'hui, autour de la table, il y a Maxime Berton, l'aventurier qui s'aventure plus facilement dans la nature que dans la culture G aujourd'hui. Oui, je me suis vautré en culture G alors que dans la jungle, je me prends même pas une liane dans les pattes. C'est quand même terrible, cool, ça. Hein, bah oui, bon, bah 4 sur 5. Et c'est déjà pas mal, 4 sur 5 en plus. Hein. Voilà, bon, joli score. C'est mieux que le score de certains fêlés. Eh ben on verra bien justement. Auditrice fêlée Vanessa de Fleuret est avec nous aujourd'hui également. On verra quel sera votre score. On verra aussi quel sera le score de l'instituteur, le professeur des écoles, Pierre Sabourin, qui va jouer avec nous depuis les Deux-Sèvres. Mais voici le tour de Thomas Daou. Oui. Thomas, le petit oui. Ah là, c'est bon, je suis prêt. Je ne m'attendais pas que ce soit moi. Ben non, c'est sûr. Non, c'est... Qui ça peut être ? Une chance sur quatre ? On vient déjà d'en passer un. C'est dingue. Alors Thomas, les cinq questions sont prêtes. Je vais vous les poser dans un instant. Il y aura de la musique, il y aura de la matière scolaire. Un petit peu de Poitou, bien sûr. Il va falloir improviser l'histoire du père Castor, comme d'habitude, puisque vous allez le remplacer pour raconter une histoire. Et puis l'éphéméride. Une question en rapport avec la date du jour. Mais allez-vous réussir à gratter plus de points que prévu grâce à la commune Joker ? Nous jouons, alors on a déjà tapé Scorbé-Clairvaux, vous avez tapé dans de côté Vienne. Donc il nous reste deux communes en Deux-Sèvres. Waron, c'est sur la commune de Plaine-et-Vallée, ou bien encore Bessines, vous choisissez laquelle ? Waron. Waron, donc c'est un dans le double. Non. Alors, sachez que à Waron, il y a le chef Jérémy Dumay qui est installé sur la commune et qui sera sur le marché de Thouars vendredi matin pour concocter un repas pour moins de 30 euros. Le tout avec des produits du marché, oui monsieur. Et il va cuisiner tout ça sur place, sous l'œil attentif et avec la malice de Sonia Brunet, puisque tout ça, ça va se passer en direct sur France Bleu Poitou ce vendredi matin de 10h à midi. Le joker de Plaine et Vallée, le joker de Waron, Thomas Daou. Allez-y. Le voici. Si vous commencez toutes vos réponses par « Ah bah puisque vous le prenez sur ce ton », ça vous fera un point de plus. Très bien. Voilà. Si vous le prenez sur ce ton. C'était la petite épée ? Oui, c'est bon, là je suis prêt. J'ai un peu peur. Il a déjà oublié la phrase. Non, c'est vous le prenez sur ce. Allez, on y va, Thomas Daou, avec la question éphémérite qui démarre votre questionnaire. C'est le 18 octobre 1960 que j'ai choisi pour vous. C'est la naissance d'un comédien, il est belge. Sans doute parmi le plus aware des comédiens de la planète. Qui est-il ? Je peux le dire énervé, si vous le prenez sur ce ton. C'est Jean-Claude Van Damme. Et oui, c'est Jean-Claude Van Damme, tout ouais. à fait. Et oui, je le prends sur ce ton. Vous avez dit humoriste ? Non, j'ai dit comédien. J'ai dit humoriste. Ah, comédien. J'ai dit humoriste, moi ? Non, vous avez dit comédien. Non, c'est Thomas qui bien, parce que visiblement, je sais pas, même moi, je ne m'écoute pas, mais personne ne m'écoute dans cette émission. Si, moi, j'écoutais, Antoine, j'ai bien écouté. Et si vous avez un point bonus qui traîne, je le prends. Mais si tu le prends comme ça, Max. Et voilà. Voici le père Castor. Alors là, la magie de ce jeu fait que vous allez devoir improviser une histoire, monsieur Daou. Vous improvisez une histoire qui doit contenir les trois mots que vous allez noter tout de suite sur votre petit pied-pied. Oui. On y va avec ces mots choisis par les fêlés. Pierre. Hypochondriaque. Maxime. Cumulonimbus. Vous avez trois minutes. Attends, déjà, j'ai pas écrit le premier. Cumulonimbus. Non, cumulonimbus. Cumulo. Voilà. Ouais. Et donc le mot qu'on a choisi à France Bleu Poitou, c'est contrôle. Voilà. Donc hypochondriaque, cumulonimbus et contrôle, c'est parti Thomas. Alors puisque vous le prenez comme ça, je suis assez hypochondriaque dans la vie. Mais quand je me balade dans la forêt, il m'arrive de ramasser des cumulolingus. Mais je les fais toujours contrôler à la pharmacie pour être sûr que ce ne soit pas un champignon vénéneux. Y'a rien qui va. C'est même pas la bonne phrase d'accroche en plus. Ah si, puisque vous le prenez non, sur ce c'était pas ton. Ça. Bah oui, si vous oui. le prenez comme alors, ça. Alors vous avez dit puisque vous le prenez comme ça au lieu de puisque vous le prenez sur ce ton. Première oui, chose. Oh, bah si vous le prenez sur alors, ce hypochondriaque, ton. Ça c'était voilà. bien. En revanche, le cumulonimbus, là on l'a. Non. Bah il était écrit pourtant. Oui, mais c'était un cumulonimbus. Ah oui. Les nuages. C'est un nuage. Ah d'accord. Oui. Un petit quant nuage. Au contrôle qui est devenu le verbe contrôler. Oh, je sais pas. Enfin c'est. Il y a rien qui va. C'est aussi mauvais que mes réponses de tout à l'heure. C'est vrai. Bah, c'est-à-dire que d'un point de vue félitude, ça vaut quand même ces deux points. Mais d'un point de vue règlement, on n'y est pas quoi. On fait quoi là dans ce cas-là ? Zéro. C'est vous le patron, mais moi je ferai zéro aussi. Ouais, oh, allez, on va faire un point du coup. T'es pas encore passé, Pierre. Oh là, oh, ça va taper. Matière scolaire, italien. Pourquoi, Pierre, ça vous fait pouffer ? Parce que je suis nul en italien, je me mets. Oui, mais c'est place. Pas vos questions. Ouais. Non, heureusement. Pierre, il est beaucoup trop empathique, il prend tout pour lui. Oui, c'est sûr. C'est l'éponge du Poitou. Comment est-ce qu'on dit merci en italien, Thomas Daou ? Puisque vous le prenez sur ce ton, ouais. Antoine, je vais vous répondre. Ouais. Grazie. Eh oui, voilà. Grazie, Maxime. Qui vous a soufflé, c'est ça ? Non, c'est pour lui rendre. Voilà, les points qu'il n'a pas pu prendre tout à l'heure. Ok, allez, ça fait deux points. Grazie. Bon, dans un instant, une intro à identifier, mais d'abord, un lieu-dit dans le Poitou. Où est-ce que vous me situez sur la carte ? Un lieu-dit Batteviande. C'est en Vienne, en Deux-Sèvres ou dans les deux départements qu'on trouve des lieux-dits Batteviande ? Puisque vous le prenez sur ce ton, mais je le fais en italien. Ah oui, c'est cadeau, c'est comme ça, vous ne me l'avez pas demandé, je le fais. Puisque vous le prenez sur ce ton, c'est... Ouais, c'est quoi ? C'est dans les Deux-Sèvres. C'est une bonne réponse. Oui. On sent qu'elle arrive de loin, celle-là. Ah oui, parce que là, je savais même plus ce que c'était. C'est à Val-en-Vigne, Bateau-Viande, ouais, effectivement. Ah oui, c'est pas très loin. Ouais. C'est gentil de faire l'accent en plus, hein, quand même. Mais oui, c'est comme mais ça. Mais vous obligez pas, parce que là, vraiment, ça ressemblait plus à. J'étais énervé. Bah, on était plus en Vendée qu'en Italie, là, quand même. Mais bon, allez, voici une intro. Écoutez-la bien, s'il vous plaît. Que vous le prenez sur ce ton, oui. Antoine. Oui. J'ai le titre de la chanson. Et j'ai oui. plus que l'interprète, j'ai le titre. Ah, c'est ouais. On ne change pas de Céline Dion. Oui, c'est ça. Ah, je me concentre. Mais hein. Oui, mais vous êtes très bizarre quand vous êtes concentré. Ah, bah oui, mais bon. Faut... Oh là là. Putain, j'ai tout donné. 5 oh là là. Points. 5 points. Non, pardon. 9. Ah, j'ai dit, 9. Si vous prenez sur ce compte. Hein. Oui, sur ce compte. Ce ton, hein, oui, sur ce ouais, compte. Ouais, ouais. C'est pas un sans faute parce que le père Castor, il y a quand même litige là-dessus. Mais il y a quand même 9 points sur 5. Et ça mérite quand même son petit débrief. Maxime Berton. Je mangerai jamais de champignons chez toi. Tant vous roulez dessus dans votre forêt avec votre tracteur, vous. Oui, c'est oui, si on me sort des cumulonimbus, je ah oui. pas. Ça oui. Vanessa, le débrief de Thomas Daou. Eh ben, c'était une bonne partie de fou rire. Oui. Et c'est puis ça. La concentration, c'est vrai qu'on sent que ça vient de loin quand même. Et je vais arrêter de le faire se concentrer parce qu'il fait peur quand il est concentré. C'est... Thomas Daou. Pierre Sabourin. Bah, c'était vachement mieux que Maxime. Hein. Voilà, c'est bien parce qu'il est en train de se mettre les deux dans la poche en même temps. Je ne sais pas ce que vous allez vous prendre. Probablement la foudre au moment de votre débrief, Pierre Sabourin. Mais justement, vous jouez juste après Enrique Iglesias. Et ça n'a pas de prix, ça. Les fêlés du Poitou, c'est bien fait pour vous. Et toc. Ah, c'est vrai, ça. La chanson s'appelle Bailamos. C'est chaud. Forbidden anymore. Don't let the world Enrique Iglesias qui dit Te quiero. Alors Thomas Daou, ça veut dire quoi Te quiero? Te quiero, je t'aime. Mais c'est gentil, mais pas en direct quand même. Ah c'est vrai non. Que les gens nous écoutent. Ah oui, ça va, c'est rouge. Thomas Daou est avec nous dans les fêlés, ainsi que Maxime Berton. Et puis Pierre Sabourin qui va jouer dans quelques secondes. On salue aussi la présence de Vanessa, qui est notre auditrice de Fleuret. Ah, vous allez jouer aussi dans les prochaines minutes. Zéro stress hein, pour vous. Non. Ben voilà, vous avez raison, ça sert à rien de se stresser pour ça. En revanche, je pense que là, ça y est, Pierre Sabourin, il commence à trembler de tout son être. Même pas. On va bien voir. Aux infos, ils sont en train d'annoncer un séisme magnitude 4 dans les Deux-Sèvres. Oui. Le jour où Pierre pourra faire un séisme, c'est qu'a priori, il aura pris le même embonpoint que moi et Thomas. Parce que là, pour l'instant, vous êtes encore en brindille, quoi. Oui, écoutez, je me porte bien. Oui, bah écoutez, mais vous avez raison. Vous avez raison. Vous savez qu'il vous reste une commune joker à choisir. Vous n'avez plus le choix. Hein, parce que là, Pierre Sabourin, qui va jouer dans les Fêlés du Poitou, l'émission Bonne Humeur par excellence, il va devoir répondre à cette question, mais il va avoir un multiplicateur, celui d'une commune joker. Pierre, vous savez qu'on a déjà joué avec Waron et avec Scorbé Clairvaux. Oui, il reste ma préférée parce que c'est à côté de chez moi. Bah oui. La commune de Bessine. Où samedi, le groupement ornithologique des Deux-Sèvres, autrement appelé le GODS, c'est un vrai diminutif, c'est comme ça qu'on dit, le groupement ornithologique des Deux-Sèvres et l'association Les Jardins Partagés vous invitent à un atelier de fabrication de nichoirs pour les oiseaux de 10h à 16h aux anciens ateliers municipaux. Il faut prendre un petit sou, 4 euros par nichoir, et si vous voulez faire bricoler les gamins, c'est possible, il faut que les adultes les accompagnent en revanche. Belle initiative. Bessine et son joker, Pierre Sabourin, are you ready? I am ready. Voici le joker qui est sur la page d'après. Oui. Une réponse chantée, les points sont doublés. Oh. Oh non, mais vous pouvez pas me faire ça, je chante hyper mal. Ça va être bien. Ça aurait pu être chanté et en anglais. Là, ça aurait été vachement bien, je pense. Ah ouais, ouais. Oh, c'est très drôle avec ça. Ça aurait été le must. Mais j'ai une licence d'anglais, donc je parle très bien anglais, ça ne me dérange pas. Oh, so prove it, please. I can speak English all day long, no problem for me. Oh, all day long. Yes. All day long. Yes. All day long. Bon, on y va avec les 5 questions de Monsieur Sabourin. Allez, c'est le moment de briller. On commence avec le 18 octobre 1957. C'est la naissance de la chanteuse du groupe Rita Mitsouko. Qui c'est? Oh, comment qu'elle s'appelle elle? Ah, j'ai perdu son nom, je l'ai bouffé. Ah, c'est dommage, hein, parce que c'est ça qu'il me faut pourtant. Ah, purée. Ça sent presque comme du champagne. Il y en a. Comment qu'elle s'appelle celle-ci là déjà? Oui. Trop tard. Catherine Ringer. Mais bien sûr. Les histoires d'amour finissent mal en général. J'avais Ginger dans ma tête. Catherine Ginger, eh ben c'est. C'est exactement les bonnes lettres. À une près. Mais pas dans le bon sens. Mais pas dans le bon sens. Et puis c'était surtout pas chanté. C'était pas chanté. Je me suis dit c'est trop facile. Oui, c'était long. C'était un slam. C'était un slam. Vous n'avez pas reconnu? Slam, c'est pas chanté, c'est slamé. Ah, c'est dommage. Parce ça que... Grand Corps Malade. Lui, vous répondrez qu'il fait plus du slam en fait, il fait de la musique. Ouais. Je vous ressors la bande, hein, parce que je lui ai évidemment posé la question et je m'en suis pris une tatane. Alors, je vous en mets une aussi, paf, parce que vous auriez pu chanter. Sur les Rita Mitsouko, c'était facile de chanter, vous ne l'avez pas fait, tant pis, un point. Le Père Castor. Alors, le Père Castor, 3 mots à placer dans une histoire de 15 secondes. Pierre Sabourin. Les mots sont choisis par les fêlés, les voici. Qu'est-ce que vous avez choisi, Maxime? Alors moi, ce sont que des mots qui se termineront en us. Vanessa, bon courage tout à l'heure. Ce sera humus. Très bien, après le cumulonimbus, donc. Thomas. Lanternulingus. Non. Non, lanterne. Lanterne. Lanterne. Ça va, je suis pas comme eux. Lanterne. Et à France Bleu Poitou, nous avons choisi valise. Parce que c'est pratique, une valise. Humus, lanterne et valise, Pierre Sabourin. Alors que je partais pour mon château avec ma valise, éclairée de ma petite lanterne, mais qu'est-ce que je vois sur le chemin? Du humus. Je le hume, mais que ça sent bon le humus. Et je repartis au château sur la recesse. Et vous y avez trempé vos graissins aussi? Oui. Ah. Le humus, bah oui. Oui, le humus, oui. Le humus. Bon, bref. Bon, là, ça fait 2 points. C'est chanté, les mots y étaient, dans le temps imparti, c'est parfait. Matière scolaire, ce sera sport pour vous. Quelle discipline, cher monsieur Sabourin, compose le triathlon? Alors, il y a du vélo, il y a de la course à pied et puis de la natation. Oh, il a imité Jean-Claude Van Damme. Il rappe, il slam, il fait tout. Il est dingue ce gars. Hein. Ça fait 2 points. Voilà. Dans un instant, une chanson. Il faudra me donner le titre ou l'interprète de la chanson dont on écoutera l'intro. Pour l'instant, un lieu dit. C'est mon préféré du jour. Pour l'instant, oui, je suis désolé, il a bien fallu que ça tombe sur quelqu'un. Eh ben, c'est pour vous. Un lieu dit est-il en Vienne, en Deux-Sèvres ou dans les deux départements Et ne le prenez pas pour vous, par pitié. Le lieu dit, c'est Gros Bout. Je pense que c'est en Vienne. Oui, absolument, sur la commune de Bonne. Comme quoi. Et voilà, voilà. Je le savais. Gros Bout à Bonne. C'était chanté, ça fait 2 points. Voici donc une intro, monsieur Sabourin. Ah. Alors. Oui. Ben, mais ouais, mais. Ben oui. Je l'ai pas... On peut la réécouter, ça peut-être me revenir, mais. Oui, oui. Catherine Ginger. Oh purée. Oui. En plus, avec Thomas, on est en train de te souffler la réponse. Non, j'arriverai pas. J'ai que Close Your Eyes, mais c'est le début de la chanson. Eh ben non, le titre de la chanson, c'est Eternal Flame et c'est les Bengals. Eh ben, si je fais mes petits calculs. Purée. Non, mais ça va, 7 points sur 5 quand même, c'est pas mal du tout, monsieur Sabourin. Bon, par contre, maintenant, il va falloir affronter le débrief des fêlés que vous avez massacré dans les précédentes minutes. Voilà, Thomas Daou. Ben, je trouve que 3 questions pour Pierre, ça suffirait. Voilà, j'en dirais pas plus. Maxime Bertrand. Moi, j'irais même plus loin, je pense qu'on pourrait se passer de Pierre et de ses réponses. Ok. Vanessa. Voilà. Faites ce que vous voulez, mais temporisez quand même un peu, s'il vous plaît. Non, mais c'était parfait, vraiment, c'était exceptionnel. Ah, merci Vanessa, quelqu'un qui s'y connaît en talent. Justement, Vanessa qui en a du talent, elle va répondre aux prochaines questions. Ce sera juste après John Travolta et Olivia Newton-John, extrait de la bande originale de Grease sur France Bleu Poitou. Jusqu'au 22 octobre, France Bleu fait sa tournée des marchés. Rendez-vous ce vendredi 20 octobre de 10h à midi pour vivre 2 heures d'émission au cœur du marché de Thouars et un défi lancé au chef Jérémy Dumais du restaurant La Table de Jérémy. Cuisiné en direct et uniquement avec des ingrédients achetés sur place. Au menu avec Sonia Brunet, des produits locaux et de saison et beaucoup de bonne humeur. La tournée France Bleu des marchés, toutes les villes, toutes les dates sur francebleu.fr. Retrouvez la tournée des marchés avec Domitis. Plus de 150 résidences services seniors partout en France à découvrir sur domitis.fr. France Bleu Poitou. Info, trafic et mobilité dans les Deux-Sèvres et la Vienne. L'infotrafic 100% local avec les fermetures Alain Mariette, fenêtres, portes, portails, volets et clôtures, rue de la Croix-Berton à Neuville de Poitou. Les fêlés du Poitou, c'est un peu comme le Big Bang, mais sans le Big et sans le Bang. En fait, oubliez ce que je viens de dire. Non, moi je le note, parce que ça peut toujours servir dans les dîners en ville, ça, mine de rien. Sans le Big et sans le Bang, ok. Grease, Newton John, Travolta, You're the One That I Want sur France Bleu Poitou. Honestly. The One That I Want avec, oui, avec l'accent, bien sûr, mais aussi avec Olivia Newton-John et John Travolta sur France Bleu Poitou. Les fêlés du Poitou. Avec Antoine Plouzenec. Et les fêlés, alors on va récapituler les scores des fêlés qui sont là ce soir avec vous. Pierre Sabourin, depuis chez lui, dans les Deux-Sèvres, a marqué 7 points sur 5. Il y a eu aussi Maxime Berton, 4 points sur 5. Aujourd'hui, l'aventurier Poitevin et le chef cuisinier Thomas Dehous, c'est fou à dire, mais c'est... Bah ouais, c'est Thomas qui pète le score aujourd'hui, 9 points sur 5. Oui, c'est énorme. Oui, ça voilà. Va. La modestie, ouais, c'est ça, l'humilité, hein, toujours. C'est énorme. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous fait mieux que Maxime, et ça, c'est bien. Ce qui est étrange, c'est que moi, je l'avais comme gage, l'arrogance, vous l'avez au naturel, c'est incroyable. Vanessa est avec nous dans le studio, vous êtes auditrice de France Bleu Poitou, aide-soignante, et fêlée aussi à vos heures, vous venez de fleurer, et vous êtes prête pour jouer au fêlé du Poitou ? Ben, on y va. Il y a cinq questions pour vous. Alors, le joker, c'est simple, je double tous vos points, c'est pour les auditeurs, on fait comme ça. Alors, vous avez ramené votre petit papier pour noter les mots du père Castor, parce qu'il va falloir improviser, c'est très bien. C'est quoi le petit sac à côté de vous, là ? Moi, c'était un petit présent pour avoir un petit peu de plus de points au comment cas ça où. Bel esprit, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est quoi ce sac ? Ah, donc, plus que deux points. Thomas, passez-moi le sac c'est de c'est vraiment gentil. Non, non, c'est à moi. C'est pour moi. Passez-moi ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Non, pour l'instant, on double les points. Elle a bien compris comment ça marche ici. Hein. Et tout à coup, les points sont quintuplés. Tout à coup, les points, effectivement, sont multipliés. Je vous en donnerai 4 par bonne réponse, parce que c'est un joli mug marinière. Allez. Eh oui, monsieur. Voilà, qui flatte le patron, c'est la qui porte des marinières, repart avec. Oh, il est magnifique. Heureux soit le fêlé, car il laissera passer la lumière que c'est écrit dessus en plus. Non, c'est personnalisé ou ? Ah, bah oui. Ah non, c'était comme ça ou ? Non, c'est moi qui le fais. Oh, trop bien. Oh, bah, merci beaucoup. C'est gentil. Eh ben, je vous mets déjà 5 points d'avance. Allez, hop, on y va. Non, mais je mets plus 5 là. Il n'y a pas un point par ligne de marinière normalement quand c'est comme ça ? Non. Faut pas déconner quand même. Mais me tentez histoire pas. D'écraser un peu Thomas. Vanessa part déjà avec 5 points d'avance. Chaque bonne réponse, c'est 4 points. Vous allez nous faire... fait mieux que Maxime. On y va avec la première question qui est un éphéméride. Et là, on remonte. Hein. On va loin dans le temps. 18 octobre 629. Pas 1629, 629. Ce jour-là, c'est le couronnement du roi des Francs. Le roi des Francs qui est resté dans l'histoire à cause d'une étrange histoire de culotte. Un roi, une culotte. Mais oui, enfant. Oui. Oui. Le roi Dagobert. Le roi Dagobert qui a mis sa culotte. Alors ouais. Sur sa mère. Bah oui. Du coup, on les confondait les deux. Sur sa mère. Thomas Daou. Eh ben, ça fait 4 points pour le roi Dagobert. Bravo. Ouais, effectivement, il a été couronné en 629. Il a régné pas loin de 10 ans. À l'époque, on vivait pas longtemps. On continue avec le père Castor. Alors là, vous pouvez noter les trois mots parce que les fêlés vous en ont choisi un chacun. Ces mots, il faut les contextualiser dans une histoire que vous devez inventer en 15 secondes maxi. Pierre. Fée. Thomas. Bouchon. Maxime. Ça se termine en us. Plexus. Très bien, merci. C'est coutume donc aujourd'hui. Fée, bouchon, plexus. Vanessa, je vous souhaite bon courage. Eh bien, ce matin, j'avais quelques petites douleurs, donc je me suis centrée sur mon plexus solaire. Et en marchant, un bouchon, je suis tombée sur... le bouchon m'a fait tomber et une fée m'a illuminé ma journée. Ah ben voilà, ça c'est formidable. Oh, c'est beau, c'est 4 beau. Points. Vous savez quoi, en plus... Je vous aurais donné le point, même si la fée était hors du truc, parce que un bouchon m'a fait tomber. Je l'aurais compté bon. Voilà. Mais oui. Parce que dans cette. Ça sent la commotion cérébrale après tout. Peut-être un peu. Quoi qu'il en soit. 4 points. Tiens, un autre roi dans la matière scolaire, c'est de l'histoire. Où Louis XIV est-il mort ? Oui, on voulait rajouter un peu de gaieté dans l'émission. Eh bien. C'est une bonne question. Et je vous remercie. Non, aucune idée. Louis XIV. Son château. Où a-t-il bien pu mourir ? Oui, dans son château, ça peut être bien. Le château. De Versailles. Versailles, voilà. Ah oui. Il est mort à Versailles, dans son château, effectivement. Voilà. Belle mort. c'était pas. Alors non. Non. Il était au moins chez lui. Alors il était chez lui, mais il avait quand même une jambe pourrie de chez pourrie. Oui. Mais il était au chaud. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, les bactéries de sa jambe aussi, elles étaient au chaud. C'est... En tout cas, ça fait 4 points. Alors là, maintenant, un lieu dit du Poitou, avant de passer au jeu de l'intro. Le principe, c'est que je vous donne ce nom de lieu dit. Est-il en Vienne, en Deux-Sèvres ou dans les deux départements? J'ai trouvé sur la carte le lieu dit la Pigerie. Eh bien, je dirais les deux. Eh oui, absolument. Par exemple, à Château-Garnier, ou bien encore à Cerizay, en Deux-Sèvres, en Vienne, en Deux-Sèvres. Ça fait 4 points de plus. Là, vous allez droit vers le sans-faute. Si vous me reconnaissez l'intro, là, maintenant, alors là, ce sera un sans-faute, plus des points bonifiés. Enfin bon, ça va être tout ce qu'on aurait aimé pour l'équipe de France au Mondial de rugby, quoi, finalement. Vous êtes prêtes? On y va. C'est parti. Il y a vraiment de la... Ah, c'est une vraie trompette synthétique. Le swing. Ça, vous connaissez, mais vous ne l'avez pas. Mais oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on connaît. Mais... Patricia Cass, non? Eh ben, absolument. Voilà. En 88. Oui, elle a du gospel dans la voix, voilà. Et Vanessa, qu'est-ce qu'elle a du gospel dans la voix? Non, peut-être, j'en sais rien, non. Mais en tout cas, elle a 25 points et un sans faute, surtout. Wow. Les honneurs. Respect. 25 points. Bravo. Alors là, vous venez d'éclater les fêlés en face de vous. Voilà, donc on va faire quand même le petit débrief. Pierre Sabourin, s'il vous plaît. Bah écoutez, on ne peut que s'incliner devant autant de culture et de talent. Voilà, bah faites-le. Bah je m'incline. Aïe. Thomas Daou. Bah c'était incroyable. Que des bonnes réponses, c'est très rare. C'est vrai que c'est pas courant. C'est une analyse. Hein. Waouh, dis donc. Bientôt sur BFM ouais. TV, hein, toi, pour répondre à l'analyse. Hein. Parfait. Maxime Berton. Et bah, pareil que Pierre, je m'incline et je m'incline physiquement. Voilà. Attention à la commotion cérébrale, oui, en sur la table. Non, mais c'est bien que Vanessa, tu reviennes pas trop souvent, parce que sinon, on s'en... déjà qu'on est nul, mais là, on devient vraiment, vraiment ridicule. Allez, le grand débrief de la battle des fêlés du Poitou, c'est dans quelques instants, juste après Stéphane et Petit K. Une question. Mieux comme ça? Point d'interrogation. Les fêlés du Poitou, c'est chouette comme un samedi après-midi à la déchetterie du Bois d'Amour. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro, où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, pris au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans drague, où t'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais... les jours ont filé en moins de deux. La flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Comme ça. Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. C'est fou, mais partout je passe, je peux encore te suivre à la trace. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, je ressens ton reflet dans la glace. J'ai encore tes graines dans mes placards, tes laines dans mes armoires, tes crèmes dans mes tiroirs, tes scènes dans ma mémoire et tes peines dans mes cauchemars. Les jours ont filé en moins de deux. La flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Mieux comme ça, c'est Stéphane et Petit K sur France Bleu Poitou. On arrive à l'épilogue de la battle des fêlés du Poitou du jour. Alors, que s'est-il passé, vous qui avez peut-être loupé une partie de l'émission? Aujourd'hui, on a joué avec Maxime Berton, l'aventurier, le chapeau de cowboy dans la forêt de la Vienne. J'ai fait ça avec beaucoup de prestance, j'ai trouvé. Ouais. Pour rester avec mon gage d'arrogance. C'est ça, c'est un gage d'arrogance, mais c'est que deux bonnes réponses. Donc finalement, ça fait que 4 points sur 5. C'est un peu dommage. 4 magnifiques points. Ils sont peu nombreux, mais je les chéris en permanence. Très bien, merci. Thomas Daou. Oui. Thomas Daou, Jean-Claude Van Damme, l'Italie, et Grazie, Céline Dion, bien sûr, vous êtes l'ami des vedettes. Si. Et vous êtes aussi l'ami d'un nuage qu'on a découvert aujourd'hui, le cumulolingus. Un champignon. Pardon, c'est pas un nuage. Merci de remettre les mots dans leur contexte. Non mais, ok. Pierre Sabourin, 7 points sur 5, pas mal. C'est brillant. Pierre Sabourin, j'annonce d'ailleurs au passage, je le dis comme ça, que vous êtes le maître de cérémonie d'un match d'impro avec Aline et compagnie qui rencontre à Partenay l'équipe de France d'improvisation. Oui, c'est ça, demain soir, l'équipe de France championne du monde en titre en plus, c'est pas n'importe laquelle. C'est pas n'importe laquelle. Rien que pour ça, comme c'est prestigieux, vous gagnerez pas. C'est Vanessa qui va remporter la victoire parce qu'elle a corrompu le jury. Elle a corrompu le jury avec un mug à rayures, avec une encre et avec heureux soit le fêlé car il laissera passer la lumière écrit dessus. Et ça, c'est beau ça. Merci Vanessa, c'est trop mignon. Maintenant, je prendrai mon café dedans tous les jours avec. Parfait. Merci beaucoup Vanessa. De rien. À bientôt à Fleuret. Ouais. Et merci les fêlés, Maxime Sandré, Pierre Sabourin, Thomas Daou. À très vite. À bientôt. Pas Maxime Sandré. J'ai dit Maxime Sandré. Ouais, oui. On va laisser où il est. J'y arriverai pas. La fin de l'émission, c'est toujours comme ça. Maxime Berton, c'est ça. Oui, c'était ça. C'était Maxime Berton. Voilà, très bien. Merci Maxime. Vous revenez quand vous voulez. Les autres aussi. Et demain on recommence à 16h50 avec 3 autres fêlés. Aujourd'hui, on pensait pas arriver au bout. Oh non. Et pourtant. Dans les prochaines minutes, va y avoir un peu de bruit dans les Deux-Sèvres pour les prochaines semaines, car nous allons vous parler sur cette même antenne d'un festival qui s'appelle Rise and Fall. Et ce n'est pas un festival de musique bruyante, mais de musique amplifiée. La différence est subtile, parce que ça reste quand même de très bons moments de culture que vous allez pouvoir vivre vraiment un peu partout dans les Deux-Sèvres. Il y en aura pas mal à Niort et puis à Partenay, mais c'est pas uniquement les deux seuls endroits où se produit le festival Rise and Fall, dont on vous parle de la programmation juste après les infos de 18h et 18h. Et c'est dans 1 minute et 30 secondes précisément. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie, à ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil, c'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie, de Patrick Sébastien, un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Poitou. Et merci à vous de choisir France Bleu Poitou pour terminer cette journée. Il est 18h. La météo, c'est un petit peu comme aujourd'hui, avec peut-être un petit peu moins de pluie, mais toujours autant de douceur, un petit peu plus de soleil, le vent plus calme. La météo, juste après les infos. William Giraud, deux vols de la compagnie Volotea ont dû être déroutés à la mi-journée suite à une alerte à la bombe à l'aéroport de Nantes. Les deux Airbus A319 se sont posés sur le tarmac de Poitiers-Biard. Les passagers du premier vol ont terminé leur trajet en bus. Le deuxième avion a pu redécoller, Vincent Hulin. Et oui, dans le ciel poitevin, on n'est pas tellement habitué à entendre le bruit de ces gros porteurs. Mais la grosse surprise, c'est quand même pour les passagers de deux vols de la compagnie espagnole, vous le disiez, Volotea, qui avait prévu d'atterrir à Nantes. Mais ce matin, 7 aéroports, dont ceux de Nantes, Lille, Toulouse, ont été évacués après des menaces d'attentats. Des alertes qui ont également conduit les autorités à suspendre localement le trafic aérien. Un vol donc en provenance de Corfou avec 142 passagers à son bord et un second en provenance de Barcelone avec une quarantaine de voyageurs. Les deux avions des Airbus A319 ont donc été déroutés, comme c'est la procédure sur Poitiers. Dans le premier cas, les passagers ont dû descendre et terminer le trajet par la route. Trois bus ont été affrétés pour les conduire à Nantes. Dans le second cas, l'avion a pu redécoller après avoir été bloqué sur la piste à cause de conditions météo dégradées, vent violent et forte pluie. Une procédure de routine pour l'aéroport de Poitiers-Biard. Une trentaine de personnels ont été mobilisés pour accueillir ces deux vols. Une information à retrouver sur notre application ici. Et donc l'interruption provisoire du trafic aérien à Nantes n'est pas un cas isolé. Oui, au moins 10 aéroports ont été évacués aujourd'hui à la suite de menaces d'attentats provoquant d'importantes perturbations à Lille, Strasbourg, Toulouse, Pau, Bordeaux ou encore Beauvais. À chaque fois, les plateformes ont été destinataires de courriers électroniques malveillants. Le château de Versailles a aussi été l'objet d'une nouvelle alerte à la bombe. Alerte également dans plusieurs établissements scolaires. Heureusement, à chaque fois pour rien. Mais le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, prévient les plaisantins qui se sont livrés à ces canulars seront retrouvés et punis. Il y a aussi ceux qui ont perturbé l'hommage rendu hier au professeur tué à Arras. Un dernier décompte porte à 357 le nombre d'incidents signalés dans les collèges et lycées un peu partout en France lors de la minute de silence. Plusieurs dizaines d'élèves sont accusés d'ailleurs d'apologie du terrorisme. Mais que risquent-ils exactement ces perturbateurs, Pierre Emparent ? Tous ces cas signalés font l'objet d'une saisine systématique du procureur de la République, autrement dit signalé à la justice en vue d'éventuelles poursuites. Tous ces élèves seront aussi convoqués en conseil de discipline dans leur établissement scolaire pour des sanctions disciplinaires au cas par cas. Ceux qui ont commis les incidents les plus graves seront immédiatement exclus, exige le ministère de l'Éducation nationale, comme cet élève qui a menacé de mettre une bombe. Deux autres se sont réjouis qu'un prof soit mort. Deux autres, enfin, ont simulé des tirs d'armes à feu. Des faits qui relèvent de l'apologie du terrorisme. Un délit puni de 2 ans et demi de prison pour les mineurs. La peine peut cependant être limitée à du sursis avec travaux d'intérêt général ou stage de réparation si l'élève exprime des regrets. Pierre Emparent sur France Bleu Poitou. Israël accepte l'envoi d'une aide humanitaire à la bande de Gaza via l'Égypte. Annonce du président américain Joe Biden en visite dans la région. Gaza cible des représailles israéliennes après l'attaque du Hamas il y a 11 jours. Gaza où la situation se dégrade de jour en jour, comme en témoigne Nabila Kilani, palestinienne de 40 ans. Elle a dû quitter sa maison menacée par les bombardements. Ils sont 15 membres de sa famille à avoir trouvé refuge chez sa sœur à Gazaville. Les bombardements, ils sont partout. On n'est pas averti, alors on prend nos mesures de sécurité selon ce qu'on peut, selon ce qu'on ressent. Là, on parle de bombardement et depuis plus d'une semaine, on manque les bases d'une vie quotidienne normale. On n'a pas de l'eau potable, et c'est à peine qu'on en trouve. On a le reste de notre réserve au niveau d'alimentation. On a peut-être 3-4 jours au maximum. Et en plus, depuis 5 jours, on n'a même pas vu une heure d'électricité. Il n'y a pas beaucoup de produits alimentaires qui entrent. Là, on est vraiment devant une crise et catastrophe humaine à cause de cette attaque israélienne. Et ce soir, selon le ministère de la Santé gazaoui, l'explosion de l'hôpital Al-Ali de Gaza a causé la mort d'au moins 471 personnes. L'Union européenne annonce de son côté qu'elle va ouvrir un pont aérien humanitaire à Gaza via l'Égypte. Les deux premiers vols vont partir cette semaine. Ils apporteront du matériel humanitaire sur place. Retour en France, le sénateur des Deux-Sèvres, Gilbert Favreau, élu magistrat de la Cour de justice de la République. Cette institution juge les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, y est renvoyé pour prise illégale d'intérêt. Cette cour est composée de 15 juges, dont 12 parlementaires. Et puis pour terminer, du cyclisme féminin. Après les arrivées place au départ, la saison à peine terminée, la FDJ Suez a communiqué aujourd'hui la liste des coureuses qui quitteront l'équipe basée dans la Vienne cet hiver. Les Françaises Clara Copponi, Victoria Gilman et Maëlle Grosstedt ne seront plus là l'année prochaine. Idem pour la Suédoise Emilia Fahlin et la Norvégienne Stin Borgli. Pour Victoria Gilman, c'est une page qui se tourne puisqu'elle était une historique de l'équipe. La native d'Angoulême était dans la formation depuis 2015. La météo 100% locale avec ODPP Laurentin à Poitiers. Alarme, vidéoprotection, particulier et professionnel depuis 1989. Membre du réseau Proxéo. Informations sur odpp.fr. Si vous êtes à Poitiers ou dans les environs, ne vous fiez pas aux quelques éclaircies qui apparaissent dans ce début de soirée. Parce que la pluie et le vent vont continuer de nous accompagner encore un petit peu demain. Absolument, voilà, ça ressemble fort à un truc qu'on appelle l'automne. On n'était plus habitué depuis un petit moment. C'était ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Depuis toujours le temps qu'on me l'annonçait, j'y croyais plus. Les nuages, ceci dit, pour les prochaines heures, dans le courant de la nuit, sont plutôt inoffensifs. Le ciel va se couvrir rapidement. Des pluies éparses vont se produire d'ici la fin de la nuit. Et on va se réveiller avec du 14 à 16 degrés sur les thermomètres en Deux-Sèvres et en Vienne. On est malgré tout au-dessus des valeurs de saison. Hein. Ça reste très très doux. Bon, peut-être que c'est ce couvercle nuageux qui retient la chaleur au sol, qui fait qu'on est dans ces gammes de température un peu trop élevé. En tout cas, pour demain après-midi, on est sur du 19 à 21 degrés à nouveau. Après une journée où les éclaircies et les passages nuageux avec des averses vont se succéder, a priori un temps probablement plus sec, le soleil plus présent aussi pour demain après-midi. Et bon, on attend tout de même 15 mm de précipitation sur la Vienne comme sur les Deux-Sèvres demain dans le courant de cette journée de jeudi. Toutes les cultures sur France Bleu Poitou. Bonsoir, il veut être un homme heureux et a priori il doit l'être, William Scheller, puisqu'il y a toute une tripotée d'artistes de talent qui ont repris ses textes, ses chansons et qui les ont joués façon Scheller, solo, piano-voix. C'est un très bel album dont vient nous parler Vincent Delerme, qui fait partie de ces artistes à avoir repris du Scheller. Mais il y a aussi Eddie Depreto, Jeanne Chéral, Calogero, bien encore Zao de Sagazan sur cet album dont on parle tout à l'heure avec Émilie Mazoyer dans Décibels. C'est à 19h. On zappe ce soir sur France 2, série policière qui est de retour. Elle s'appelle Les Invisibles, nouvelle enquête au menu de votre soirée télé. On va décortiquer tout ça tout à l'heure avec Patrice Gascoigne dans les coulisses de la télé. Ce sera à 7h-10. 18h45 et nous partons au spectacle. De la musique au programme, notamment à Poitiers, mais aussi dans les Deux-Sèvres, et de la musique qui réchauffe et qui fait du bien. Vous découvrirez tout ça grâce à Florian Lévesque sur France Bleu Poitou, la radio qui vous invite aussi à un concert, toujours de la musique, Lila et le cœur de Lausanne. Spectacle à voir à la quintaine de Chasseneuil du Poitou samedi soir 20h30. Vos invitations sont à partir tout à l'heure. Il n'y aura qu'à les décrocher en nous appelant au 05 49 60 20 20. Et dans quelques petits instants, c'est dans les Deux-Sèvres que nous partons. On sera beaucoup à Parthenay et à Niort, mais pas uniquement, pour le Rise and Fall Festival, un festival qui s'étale tout au long du mois qui arrive, et ça va être vachement bien parce qu'au programme, il va y avoir les musiques amplifiées, celles que l'on peut retrouver par exemple au Bayarock ou bien encore au Hellfest. Mais c'est dans des salles plus petites, c'est à l'intérieur, et surtout c'est toute une palette de musique un petit peu amplifiée, c'est vrai, que vous allez pouvoir découvrir dans les semaines qui viennent. Programmation complète, ce sera dans les prochaines minutes, juste après les Bengals. Toutes les cultures sont sur France Bleu Poitou. Antoine Plouzenec. They bring you more. All the school kids so sick. Egyptian. Walk like an Egyptian, et c'est les Bengals sur France Bleu Poitou. Toutes les cultures sont sur France Bleu Poitou. Rise and Fall Festival, c'est une nouvelle édition de cet événement. Événement pour les passionnés de musique et de musique qui fait un petit peu de bruit si possible. Ça commence dans deux jours et ça va durer jusqu'au 11 novembre. Et c'est dans les Deux-Sèvres que ça se passe. Théo Richard et Lise Marigno, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors Théo, vous êtes le programmateur du CAMJ, Lise Marie, vous vous occupez de la communication du Rise and Fall entre autres. Peut-être on va commencer par définir le Rise and Fall Festival. On dit que c'est le festival des musiques amplifiées en Deux-Sèvres. Qu'est-ce que ça veut dire, Théo Richard? En fait, ça porte bien son nom. C'est vraiment le festival de toutes les musiques amplifiées. On se dit le plus long festival. On finit pas la phrase, on fait exprès parce que on sait pas si on est le plus long de France, voire peut-être d'Europe, voire peut-être de plus loin. De l'univers. Musique extrême ou on va dire musique très amplifiée, voilà, qui va du punk au métal, en passant par la noise. Des choses des fois beaucoup plus rock. On a même des passages un peu heavy blues. Voilà, c'est un festival à guitare, quoi. Il y a, voilà, dire ça comme ça. Des guitares, des amplis. Voilà, des amplis. Alors on a fait des choses des fois un peu plus soft, mais voilà, ça réunit un petit peu tous ces styles de musique. Et la particularité, c'est un peu le contre-pied de tous les grands festivals très connus, les open air d'été, qui se déroulent sur 3-4 jours dans des très grands sites, souvent en plein air, hein, bien sûr. Nous, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que ça se déroule pas du tout l'été, c'est plutôt à la saison un peu plus fraîche. Ça se déroule en intérieur, c'est que dans des petits lieux, et la plus grosse jauge est de 450 places. Voilà. Ouais, donc c'est ça qui est agréable de se dire ça aussi. C'est-à-dire que c'est chouette de communier avec tout un champ de gens qui sont à fond comme vous. C'est bien aussi de le faire dans les petites structures de 450, ça commence à faire de la région. D'ailleurs, si j'ai bien compté parmi les 15 dates à venir, ça commence. Alors j'ai dit vendredi 20, mais la soirée de lancement c'est la veille, c'est donc demain soir le 19. On sera quand même un peu souvent quand même au Kanji à Niort. On sera pas mal aussi à la salle d'Ifart de Parthenay. Mais Lise Marie, le principe de ce festival, c'est aussi de sortir un petit peu de ses lieux habituels, c'est sortir un peu des murs pour aller dans les autres communes des Deux-Sèvres. Oui, tout à fait. Alors, pour la petite histoire, la première édition du festival, elle était 100% niortaise, mais il y avait déjà cette idée de coopération d'acteurs, puisque lors de la première édition, il y a eu des dates au Camji et à l'Alternateur, à Niort. Et puis, sur les autres éditions, le festival s'est ouvert vers les autres copains du département pour faire vibrer les musiques très amplifiées encore plus loin. Donc on va effectivement à Diffarce à Parthenay, mais aussi à Bressuire dès vendredi dans le nord du département. Et puis sur Niort, il y aura aussi d'autres dates en dehors du Camji. On sort un petit peu de nos murs. Il y aura une date à Loïc Taverne, à la Minute Blonde. Et on s'autorise même une petite escapade en Vendée, puisqu'on ira aussi à la Minute Blonde de Fontenay-le-Comte. Alors ça, c'est vachement sympa aussi d'impliquer dans le processus de la culture les commerçants du coin. Pourquoi justement est-ce que vous vous dites que importer des concerts qui auraient pu se jouer dans des salles, finalement, dans des commerces, c'est important pour vous ? Lise-Marie, on va commencer par vous et Théo ensuite. Alors, c'est tout simplement pour démocratiser ces musiques qui sont encore très peu représentées dans le paysage des musiques actuelles. Donc voilà, en proposant des petits événements dans des plus petits lieux, mais à des tarifs plus abordables, ou même sur des, il y a pas mal d'événements gratuits aussi. Ça permet un petit peu d'aller chercher la curiosité du public en démocratisant ces différents styles de musique. Théo, vous vouliez rajouter quelque chose ? Ouais, je voulais rajouter aussi que, en fait, indépendamment du type de structure, c'est aussi une grande famille qui se réunit pendant 3 semaines. Et en fait, pour tout vous dire, vous avez des commerçants qui écoutent du métal, vous avez des gens qui sont dans le milieu associatif, mais il y a un peu tout le monde, en fait. Et naturellement, en fait, les gens qui nous suivent, qu'ils soient dans la sphère privée ou dans la sphère associative, ils ont la même passion. Et c'est un peu ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve effectivement dans des lieux qui sont plus de type bar ou brasserie. Et voilà. Donc, mais par contre, avec des gens qui sont tout aussi passionnés et qui ont tout autant envie de faire bouger les choses et de faire découvrir des groupes, bien sûr. Donc ça va bouger, ça va faire sauter les amplis, j'imagine que non, mais en tout cas, on va les pousser un peu quand même. Voilà. Les amplis durant ce Rise and Falls Festival qui commence demain. C'est la soirée de lancement et après ce sera parti jusqu'au dernier soir, jusqu'au 11 novembre inclus. Le Rise and Fall Festival dont on parle et dont on trouve aussi les infos sur son site riseandfallfestival.com. On continue d'en bavarder avec vous, Théo Richard, le programmateur, et Lise-Marie Nuot de la communication du Camji. On en cause sur France Bleu Poitou ce soir, juste après AD. Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore. Les pansements, et je me dirais à moi-même, tu vois, fais-toi confiance, que tant qu'on a ce qu'on aime, on a déjà de la chance. Et je peux des vins dans le noir. Je voudrais tout savoir. Des vins dans le noir. Adé qui veut tout savoir, elle a bien raison, mais faut faire gaffe parce que la tête c'est quand même limité. On n'a qu'une vie, on peut en faire plein de trucs comme ça.